إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله سبيل الهدى والإعراض عنها طريق الشقاء. عباد الله، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. رواه مسلم. اعلموا يا رعاكم الله أن أدلة العين كثيرة، وهي موجودة في السنة الصحيحة قولا وواقعا، وعلاجها أيضا جاء في السنة بالوقاية بالنسبة للإنسان نفسه الذي يمكن أن يصاب بالعين، بالأذكار، ومنها قراءة آية الكرسي. والوقاية بالنسبة للإنسان الذي يخشى أن يصيب غيره بالعين أنه كلما رأى شيئا يعجبه برك عليه وقال تبارك الله، أو ما شاء الله تبارك الله، أو ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله. ويجب يا عباد الله، ويجب أن يعلم يا عباد الله، أن العين الضارة لا يلزم أن تكون حاسدة، بل العين قد تكون حاسدة فاسدة من قلب فاسد، وقد تكون معجبة محبة. ولذلك يا عباد الله، قد يصيب الإنسان نفسه بالعين، وقد يصيب عمله بالعين، وقد يصيب تجارته بالعين، وقد يصيب ولده بالعين، وقد يصيب زوجته بالعين. ولذلك ينبغي يا عباد الله، كلما رأى شيئا يعجبه من نفسه أو ممن يحب، أن يبرك وأن يقول تبارك الله حتى يسلم ويسلم منه. وإذا وقعت العين يا عباد الله، فإن علاجها بأمرين: الأمر الأول أن يؤخذ من أثر العائن مما أصاب جسده ويغتسل به، وإذا بقي شيء في الإناء فإنه يرمى من خلف الظهر، وهذا بإذن الله عز وجل لا يبقي للعين أثرا ويحلها فورا، كما جاء في قصة سهل بن حنيف وعامر بن ربيعة رضي الله عنهما. والأمر الثاني يا عباد الله، الرقية وتكرار الرقية حتى تحل العين. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. هذا والله أعلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. سشي عباد الله، ابن عباس رضي الله عنهما rapporte d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit: le mauvais œil est une réalité, et s'il y avait une chose qui devait devancer la prédestination, eh bien ce serait le mauvais œil, comme ceci rapporté par l'imam Muslim. Et sachez qu'Allah azza wa jal vous fasse miséricorde, que les preuves sur la réalité du mauvais œil sont nombreuses, que ce soit dans la sunna authentique ou que cela soit relaté par des paroles ou par des faits bien réels dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et son remède, le remède du mauvais œil, est également, ou nous est également rapporté que cela soit pour protéger sa propre personne si l'on est susceptible d'être atteint par le mauvais œil, comme le fait de lire Ayat al-Kursi, communément traduit par le verset du trône, ou en faisant ou en lisant les évocations légiférées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou également son remède a été rapporté pour se protéger d'une personne dont on craint qu'il puisse atteindre autrui par son mauvais œil. Et celui-là doit dire à chaque fois qu'il voit une chose qui lui plaît, eh bien il doit dire la formulation de bénédiction, c'est-à-dire implorer la bénédiction d'Allah Azza wa Jal sur la chose ou la personne qui lui plaît en disant mathalan tabarakallah ou ma sha Allah la quwwata illa billah. Et il est obligatoire également de savoir que l'œil qui est néfaste n'est pas obligatoirement un œil envieux et jaloux. Il se peut que l'œil qui atteint une personne par son mal soit effectivement envieux et jaloux et provienne d'un cœur corrompu. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est le cas la plupart du temps. Mais le mal peut également provenir d'un œil étonné et qui aime la chose qu'il a vue sans en être envieux et jaloux. C'est pour cela eh bien, qu'il est possible que la personne se porte le mauvais œil à elle-même en atteignant par son mauvais œil ses propres actions parce que ses propres actions lui plaisent, ou en atteignant par son mauvais œil son commerce ou son enfant ou même son épouse. C'est ainsi qu'il convient à chaque fois que la personne voit une chose qu'elle aime ou qui lui plaît de dire Tabarakallah ou de faire la formulation de bénédiction. Et si le mauvais œil atteint une personne, eh bien le remède se fait de deux manières et de deux façons. La première, c'est de prendre le reste de l'eau qui a touché celui qu'on soupçonne d'avoir atteint son frère ou sa sœur par le mauvais œil, et de laver cette personne qui a été atteinte par le mauvais œil avec cette eau. Et s'il reste dans le récipient encore de l'eau, eh bien de le jeter derrière son dos. Et cela, bi'idhnillahi ta'ala, fera disparaître immédiatement les traces du mauvais œil. Il est rapporté que Amir ibn Rabi'a, radiallahu anhu, est passé à côté de Sahl ibn Hunayf, radiallahu anhu. Et Sahl ibn Hunayf était une personne qui était connue pour avoir une peau blanche et dénuée d'imperfection. Et Sahl ibn Hunayf se lavait. Et quand Amir ibn Rabi'a l'a vu, il a dit: je n'ai jamais vu une telle peau aussi blanche que la tienne. À ce moment-là, Sahl s'est évanoui directement. On le ramena alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant: qu'arrive-t-il à Sahl? Est-ce que tu as un remède pour Sahl? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda: qui accusez-vous? Ou est-ce que vous soupçonnez quelqu'un? Alors les compagnons radiyallahu anhum ont répondu: Amir ibn Rabi'a, nous accusons et nous soupçonnons Amir ibn Rabi'a. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé et s'est mis en colère contre Amir. Et il a dit: pour quelle raison quelqu'un voudrait-il tuer son frère? Et il a qualifié le mauvais œil de tuer quiconque voit dans son frère quelque chose qui lui plaît, qu'il implore et qu'il invoque pour lui la bénédiction, c'est-à-dire qu'il dise Tabarakallah par exemple. Puis il demanda de l'eau et il a ordonné à Amir ibn Rabi'a de faire ses ablutions en se lavant le visage, les mains jusqu'aux coudes, les genoux et les parties cachées par les vêtements. Et il ordonna que l'on verse cette eau sur Sahl, c'est-à-dire qu'on a ramené un récipient et Amir a fait les ablutions, et ceux qui descendaient et qui restaient des ablutions, eh bien il a ordonné qu'on le verse sur Sahl. Et aussitôt Sahl ibn Hunayf s'est levé, il marchait parmi les compagnons comme s'il n'avait jamais rien eu. Et la deuxième, c'est l'exorcisme, ruqya. Le deuxième remède contre le mauvais œil, c'est l'exorcisme, ruqya. Et c'est le fait de répéter la ruqya jusqu'à ce que cela dissipe le mauvais œil, comme ceci rapporté par Aïcha radiallahu anha, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonnait de pratiquer la ruqya pour se protéger contre le mauvais œil, comme ceci rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله و